t'ai regardé dormir près de toi jusqu'au matin, sans rien oser te dire. Et ta main dans ma main, j'attendais de voir enfin ton premier sourire. Bonheur. Radio Bonheur, c'est la radio de mon cœur. De 16 où il habite, on l'appelle la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond. En entendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve plus comme son pain quotidien, la marmite va bien. Tout tranquille, la marmite va cueillir les restes d'un repas. Et bien vite, la marmite veut du feu qui lui réchauffe un plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique. Voilà la marmite, gonflée à la dynamite. Le voilà qui revient en frappant sur sa boîte de fer blanc. Fait l'après-midi entière, agrippé à la portière, des tramways qui l'attrapent en chemin. La marmite va et vient. Tout tranquille, par la ville, il s'en va cueillir les restes d'un repas. Et bien vite, la marmite, près du feu qui lui réchauffe plein plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique. Du feu qui lui réchauffe un pas de roi. quand midi sonne. Au pire les hommes, au pire la vie, tant que le sang m'a fait les tigres. On ne sait où il habite, on l'appelle la marmite. Ce n'est pas un anti-vitron, c'est un joyeux vagabond. Et en attendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve un peu plus que son pain quotidien, la marmite va et vient. Sans un mot, sans rien dire, sans même te retenir. Oh oui, un jour, je n'ai pas su trouver quelques mots qui auraient peut-être tout changé. Si je pouvais effacer le passé et tout recommencer, bien sûr je le ferais. Et je te dirais, je t'aimerais, ça pourrait tout changer. Un jour, j'ai fait semblant de croire qu'il suffit de vouloir pour finir une histoire. Oh oui, un jour, j'ai cru que j'oublierais ton sourire, tes baisers, tous nos petits secrets. Si je pouvais effacer le passé et tout recommencer, bien sûr je le ferais. Et je te dirais, je t'aime, je t'aimerais, ça pourrait tout changer. Le bonheur est fragile, mais on ne le sait. Si facile, mais soudain il s'en va. Un jour, je t'ai laissé partir, sans un mot, sans rien dire, sans même te retenir. Oh oui, un jour, je n'ai pas su trouver quelques mots qui auraient peut-être tout changé. Si je pouvais effacer le passé et tout recommencer, bien sûr je le ferais. Et je te dirais, je t'aime ou je t'aimerais, ça pourrait tout changer. Je te dirai, je t'aime, je t'aimerai, on pourrait essayer. Radio. dark and sweet as ash. Went down. Looks at me. I know when a man sees you like I see. Follow down the side street, moving single file. She said, that's where I'll hold you, sleeping like a child. We're down.

construit des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Du cow-boy Johnny. Petit Pierre l'a écouté, s'est endormi. Dans le ciel, la lune lui éclairant le petit lit où l'enfant a souri en retrouvant Johnny. Il est dans la pampa, sa monture n'est plus de bois, plus de rue, plus d'auto, mais de l'herbe et des chevaux. Il rattrape au lasso les fuyards de son troupeau. Johnny à ses côtés s'est gaiement mis à chanter. Oh, oh, oh, oh, oh. Tous les chevaux sont rentrés lentement, la nuit est tombée. Cependant, Cowboy City n'est pas endormi car le bar est éclairé. Le village est réuni, le shérif est arrivé en compagnie de Johnny. Le bal a commencé, les guitares ont déchaîné, harmonica, violon, banjos et accordéon. La danse est endiablée, entre deux verres de whisky, éclate des youpi. Mais Pierrot s'est réveillé. Grande prairie où l'attend Johnny, mais il y retournera car ses rêves sont à lui. Chaque nuit il volera vers son paradis. Il y retrouvera les fiestas, les rodéos, les chants de la pampa, Johnny et son grand chapeau. Plus tard, quand les soucis auront envahi sa vie, le souvenir de Johnny sera plus doux qu'une amie. Oh, oh, oh, oh, oh.

Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. Yeah.

bien qu'il doit pourchasser, ne pas fréquenter son meilleur ami, parce que c'est ainsi. Quelle radio vous écoutez? Vous répondez Radio Bonheur. 100% chanson française. Radio Bonheur. La prochaine fois qu'on se confinera, voudrais-tu mon ami qu'on soit ensemble sous le même toit, un toit pour toi et moi. Des petits tracas, des folies de la ville. Tu te blottiras contre moi, on sera bien, tu verras. J'ai chez moi des merveilles de réserve d'avance, plein de soleil, la douceur des vacances, de l'or au creux des draps. Ce qui gronde, le temps passera comme tourne le monde. Les 50 plus belles chansons de Maddy Rudaz ont pour la première fois été regroupées dans un coffret 3 CD. Le ciel au fond du cœur, j'ai le cœur blessé, tu n'es plus là. Un adieu, un au revoir. Les

les dents. Mais vive les bananes, parce qu'il n'y a pas de dose dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. Mais vive les bananes, parce qu'il n'y a pas de dose dedans. Les dieux de l'ancien temps aimant la fantaisie à tout autre aliment, préférez l'ambroisie. Oh ben moi je veux bien vous croire, mais en attendant, ça vive les bananes, parce qu'il n'y a pas de dose dedans. Planter des choux à la mode de chez nous, planquer, planquer des sous à la mode de Picsou, à Genève, au Panama, en bas de laine, en bas de soie, à Luxembourg, sous les matelas, on en plante partout. C'est la danse des cultivateurs, les canards peuvent se rhabiller, la grippe aviaire nous fait pas peur, contre la misère, on est. Comme dit Fernand, Fernand le plombier, le grand Auvergnat, ça eut payé, mais ça paye plus. Pauvre fermier dans un pays tordu, ça devient très dur par les temps qui courent de se faire au moins 1000 euros par jour. Ça va Fernand, à qui le dis-tu? Ça eut payé, mais ça paye plus. C'est la danse des cultivateurs, des gens heureux qui font du beurre, au sens propre, au sens figuré. Y'a pas meilleur pour se faire du blé, c'est la danse des cultivateurs, les canards peuvent se rhabiller, la grippe aviaire nous fait pas peur, contre la misère on est blindé. France, France, allez France. C'est la danse des culs, c'est la danse des cultivateurs, des gens heureux qui font du beurre, au sens propre, au sens figuré, y'a pas meilleur pour se faire du blé. C'est la danse des cultivateurs, les canards peuvent se rhabiller, la grippe aviaire nous fait pas peur. Contre la misère, on est blindé. C'est la danse des cultivateurs, des gens heureux qui font du beurre, au sens propre, au sens figuré. Y'a pas meilleur pour se faire du blé. C'est la danse des cultivateurs. Radio bonheur, accélérateur de bonheur. Quand on s'est connus, on était deux gosses. On n'a pas pris le temps de parler. T'étais si jolie, t'avais l'air si douce. On s'est tout de suite embrassé. Puis on est parti loin dans la nature, comme à l'école buissonnière. L'herbe nous fit un lit, c'était un peu dur. Qu'est-ce que ça pouvait nous faire? Puis l'on s'est aimé comme de vrais mariés. Dieu, que la mariée était belle. Tu m'as regardé, tu m'as demandé, dis-moi comment tu t'appelles. C'est une belle histoire, mais le temps est court. Aujourd'hui je me rappelle ce beau soir d'été où, sans nous parler, on s'est tout de suite embrassé. Ça fait bien des ans, ça fait bien longtemps, on a chacun pris sa route. Les souvenirs meurent, on oublie son cœur, c'est le premier pas qui coûte. Qu'es-tu devenu, ma gosse chérie? Crois-tu qu'on se retrouvera au coin d'une rue? Un jour de la vie, te tiendrai-je entre mes bras? Alors tu verras, tout comme autrefois, tu seras ma prisonnière. L'amour nous tiendra sous la même loi. Ce sera pour la vie entière. On aura des jours et des jours pour faire l'école buissonnière. Comme ce soir d'été où, sans nous parler, on s'est tout de suite embrassé. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. C'est la